Un jour il fera froid dans son cœur, dans son lit. Elle reviendra chez moi pour se mettre à l'abri. Comme avant, la porte sera ouverte, elle entrera sans bruit et viendra se poser sur le bord de mon lit. Comme avant. Elle est tellement fragile qu'elle pouvait se briser comme une porcelaine qu'on laisserait tomber en lui volant ses rêves et ses jardins secrets. Tous les oiseaux blessés retrouvent un jour leur nid. Elle prendra un taxi jusqu'à la Koenigsee. Dans un jour, dans un an, tout sera comme avant. Mais qu'est-ce qu'elle attend ? Elle reprendra mon lit où elle l'avait laissé, et le chat reviendra se coucher à ses pieds. Comme avant, on refera l'amour comme la première fois, et elle s'endormira sur mon cœur dans mes bras. Comme avant. Mais qu'est-ce qu'elle s'imagine et pour qui se prend-elle? Elle n'est qu'un papillon qui se brûle les ailes dans la fuite, le travail et tout cet artificiel. Ce n'est qu'une hirondelle qui veut faire le printemps, qui se croit une femme et qui n'est qu'une enfant, qui reviendra un jour quand elle aura le temps. Mais qu'est-ce qu'elle attend? Un jour il fera froid dans son cœur, dans son lit. Elle reviendra chez moi pour se mettre à l'abri. Comme avant.